ma nuit de folie. Quelle clameur, quelle stupeur, j'enflamme la nuit. Quel bonheur! Pose une étoile sur la porte de ma loge. Unis dans un cri, faites tous mon éloge. En un seul verre, extraordinaire, je vais plaire. Prépare-toi pour une soirée infinie. Prends un ticket, c'est parti. Quand je chante, je suis parfaite. Écoute-moi, je vais leur voler la vedette. Mes amis sont là, tel un bataillon. Tu te trompes, t'as aucun don. Et cette place, tu ne la mérites pas. Vilain chat. Une belle voix ne s'imite pas, mais se travaille. Sans négliger aucun petit détail. Tu ne gagneras pas, car sans ça, t'es que de l'herbe à chat.